C'est vendredi, l'amertume des jours de lune. Pas même pleine, pas même reine. Et quand vient mon tour, des bras autour de ses épaules frêles, de ses soirées de chêne. Et puis des coups tordus d'aveux, des présents qui passent devant eux. Nous, moi et des amis amants, ils, elles, je ne veux pas leur sang. C'est vendredi, le goût du chaos au lit, de ses caresses, pas même vives, de sa paresse jusqu'aux cils. Et moi je ne veux pas sentir que ses mains n'ont plus de désir, qu'elles ne veulent surtout pas gravir l'échelle intime de mon sourire. Et tu te tais de moi, et de ça je n'ai aucun droit. C'est vendredi, les mots incompris, pas même doux, pas même un nous ne s'est glissé quand il a fallu expliquer l'inexplicable qui est pas rentable. Il use le côté raisonnable de la déraison sympathique, des tricks quand l'amour est mastique. Coller les corps du cul aux genoux, des sinus au truc juste en dessous. Colle-moi à tes dessous bras. Colle-moi encore plus bas. Colle-nous, le rêve se finit. Ouf, c'est samedi, il est midi.